Come on. me beijou. Oh Seigneur, donne-moi l'amour, l'amour qui est plein d'assurance, se confiant toujours en l'Éternel, lui l'ancien de jour. Na bom moi.